Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et de la forêt. CLML sait ce que représente la forêt. CLML possède des chargeuses sur roues en plus d'une dizaine d'employés. CLML œuvre dans les séries du secteur de Mistassini et Saint-Félicien. Les bureaux de CLML sont au 905 boulevard Amel, Saint-Félicien. 418-679-4194. L'Étoile du Lac nous apprenait qu'un homme d'affaires bien connu à Saint-Félicien, Dave Bradette, ça fait longtemps que je le connais, s'est porté acquéreur à 33% de l'autodrome de Saint-Félicien. Je suis bien content de savoir un peu qu'est-ce qui a motivé. On voudrait savoir un peu qu'est-ce qui a motivé ce geste. On lui parle. Salut Dave! Salut! Hey Dave, félicitations pour ton implication à l'autodrome de Saint-Félicien. Qu'est-ce qui a motivé Dave Bradette à se porter actionnaire de l'autodrome? Ben écoute, j'ai toujours été un passionné de l'automobile. J'ai deux garçons, j'ai une fille. Mes enfants aussi aiment l'automobile, surtout mes garçons. Donc, les courses, automatiquement, c'est connexe. L'autodrome, les voitures, les garages. Fait que tout fait qu'ensemble, je vais réaliser deux passions en même temps, l'automobile et les courses. OK. OK. Dis-moi, Dave, est-ce que dans l'ensemble, c'est-tu un nouveau groupe? C'est-tu un nouveau groupe d'actionnaires qui se porte acquéreur de l'autodrome ou tu as remplacé seulement qu'une personne? Oui, moi j'ai acheté les parts de Yves Pelchat, bien connu à Saint-Félicien. Donc les deux autres sont toujours en place à l'autodrome. OK. Y a-t-il vraiment des idées cette année? À quoi ça va ressembler l'autodrome? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler davantage dans vos discussions maintenant? Ben écoute, ça s'est fait quand même assez rapidement, l'achat de l'autodrome pour moi. Donc, les dates, les courses, c'était déjà pas mal cédulé. Donc, pour cette année, pour 2019, il y aura pas grand changement, même pas du tout, versus ce qui avait déjà été décidé. Mais okay. On est en pourparler pour peut-être une autre série dans les années antérieures. Peut-être des changements. Il y a des changements qu'on peut apporter rapidement, comme mettons au niveau des bars, peut-être un orchestre. Mais tu sais, okay. Il va y avoir des petits changements mineurs cette année, mais à long terme, ça va bouger. Donc, ça veut dire que peut-être il faut s'attendre, c'est pas juste les courses, les gens peuvent s'attendre cette année des courses, mais éventuellement, on a un plan, c'est d'améliorer l'expérience client, c'est ça? Exactement, c'est exactement les mots que j'aurais cherché. OK, donc ça veut dire peut-être des feux d'artifice, peut-être ben, ça, il y en a déjà, mais vraiment ouais. sur la famille, parce que la famille, c'est important, puis c'est la relève, puis après ça, une place, si on peut, il n'y a pas juste les courses avec des séries, les dragues, tu sais, les gens peuvent plus aller vite sur les routes, mais ça, ils n'ont jamais pu, mais tu sais, c'est encore plus vérifié, donc avec l'autodrome, peut-être regarder pour faire encore plus d'événements pour justement pour les jeunes, pour les rassembler aux mêmes places en sécurité. Dave, dis-moi, est-ce que toi, tu as l'intention de courir? Non, pas du tout. Pas vraiment l'intention. On sait jamais ce qui peut se produire. Mais non, c'est pas dans les plans pour le moment. Disons que mes semaines et mes fins de semaine sont bien garnies, donc je pense pas d'avoir vraiment le temps de ça. Puis je suis un passionné, mais j'aime regarder et puis me promener, mais ça me dit rien de conduire une voiture. Okay. Non, parce que c'est quand même des heures, hein. Ceux-là qui font ça par passion, là, c'est des heures c'est bien une dizaine d'heures par semaine à préparer le véhicule, et ainsi de suite, trouver des commanditaires. C'est vraiment une passion que les gens ont, mais oui, c'est beaucoup de temps. La mécanique, ça brise, après ça, amener ça à l'autodrome, c'est un gros investissement aussi. Les gens font ça, mais c'est vraiment leur passion parce qu'ils font pas ça pour les sous, là. OK, OK. Dis-moi, le fait que vous êtes la seule autodrome maintenant dans la région, ça aide-tu? Y a-tu des visiteurs de Chicoutimi, des visiteurs du Saguenay qui viennent aux courses? Oui, le Saguenay est bien présent. C'est sûr qu'on fait de la publicité aussi dans ce coin-là parce que les gens du Saguenay, ils ont plus d'autodrome. Donc, et ils viennent nous voir. Mais avoir une autodrome à Chicoutimi, je crois que c'était bon pour tout le monde parce que tu as toujours la demande. Puis plus tu as plus t'as d'événements, ben plus ça attire des gens, puis plus les gens, il y a des coureurs de partout. Plus t'es de monde, mieux c'est. Ah, effectivement. Ben, Dave, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps. Tu es entre deux ventes. Tu es une vente privée. Je te rejoins à Bécomo. Félicitations encore une fois. Ouais. Ça fait du chemin depuis M. Ricard. Ça fait 19 ans, mon ami Danny. Ça fait 19 ans. Mais j'invite tout le monde à venir nous voir ouais. Parce que à l'autodrome. Puis toi, personnellement, à venir me rencontrer là-bas. Puis on va regarder des courses ensemble. Effectivement. Dave Bradette, notre le nouvel actionnaire de l'autodrome de Saint-Félicien.